Cette semaine, le Studio École de France bouleverse ses programmes. De 14h à 18h10, assistez à un déluge d'invités sur StudecWeb. Animateurs, réalisateurs et journalistes vont vous faire découvrir des hommes et des femmes du monde des médias. La semaine des invités, c'est du 27 au 31 mars sur StudecWeb. Cinémascope, votre magazine du grand écran de 14h à 15h sur StudecWeb. C'est très chouette. J'aime beaucoup le Cinémascope. Bonjour à tous, bienvenue dans Cinémascope, l'émission qui fait le point sur le cinéma pour voir le 7e art autrement et tout ça bien sûr au format 60 minutes. Je suis ravi de vous accueillir et d'ouvrir le bal de cette semaine des invités ici au studio École de France. Alors autour de moi c'est un peu mes Avengers, ma communauté de l'anneau, mes gentlemen extraordinaires, bref c'est comme vous voulez, vous choisissez. Tout ça bien sûr c'est toute mon équipe avec laquelle on va parler cinéma aujourd'hui. Lauriane, avec toi on va débattre aujourd'hui et découvrir notre invité, c'est ça, notre invité qui devrait arriver d'ici les prochaines minutes. On espère en tout cas. Tout à fait, on va faire son portrait. Exactement. On va écrire son biopic ensemble. Eh ben, joli programme, Arthur. Toi, tu vas nous replonger dans les archives du mois de mars sur la planète ciné. Et puis, tu vas nous faire un petit focus sur quelque chose qui te tient à cœur. Ce sont les adaptations, c'est ça? Oui, que ce soit littéraire, qui viennent de livres, de séries ou de films. Exactement. Alors là aussi, on aura de quoi ouvrir la discussion. Vous verrez. Et puis enfin, Fabien, tu seras un peu notre fil rouge, on peut dire Oui. Et tu vas nous mettre à l'épreuve. Eh oui, bien sûr. Aujourd'hui, la boîte noire. Alors, il y a une boîte au milieu de la table, un objet mystère dedans. Et puis, on va devoir deviner ce qu'il y a dedans. Je précise ça juste après. Eh ben, joli programme. Évidemment, l'émission démarrera vraiment une fois que notre invité sera arrivé. Ça devrait pas tarder. C'est vraiment imminent dans les prochaines minutes. En attendant, eh ben, on va commencer par se diffuser un titre, avec Rihanna, Lift Me Up. De quoi, voilà, nous mettre un petit peu en jambes. Et on rappelle. Black Panther 2, Black tu Panther, me mets tout de suite au bravo. Défi. Non mais c'était pour être sûr. Black Panther 2, donc Rihanna qui a été aux Oscars mais qui malheureusement n'a pas gagné. En tout cas, Lift Me Up, et ben c'est tout de suite. Et puis après on revient avec notre invité normalement en place. À tout de suite. Lift me up, hold me down, keep me close, safe and sound. Of your arms, keep me safe. écoutez la semaine des invités sur Studek Web. Et on est de retour sur Studek Web pour Cinémascope, l'émission cinéma. Il vient d'arriver, il est encore un tout petit peu essoufflé. C'est le monsieur cinéma de RTL. François Truffaut a dit un jour, tous les Français ont deux métiers, le leur et critique ciné. Et bien lui a décidé d'allier les deux. Bonjour Stéphane Boutsock. Bonjour à vous, merci de m'accueillir. Alors, on n'entend pas le micro. Souci de micro. Je disais bonjour à vous, merci de m'accueillir et pardon pour le retard. Bonjour. C'est pas grave. Comment ça va? Très bien. En pleine forme? Oui. Bon, bah c'est très bien. On est ravis d'être là. De même, on est ravis d'être ici. On va démarrer cette émission avec... Avec moi? Avec toi Fabien, c'est avec parti moi. Allez, c'est parti. Alors, le principe est simple. Il y a une boîte au milieu de la table, une boîte noire. Ouais. Vous savez, ça s'appelle la boîte noire. Dedans, elle contient un objet iconique du cinéma, d'accord ? Présent dans un film, par exemple, ça pourrait être un sabre laser, par exemple, voilà, dans Star Wars. Ça serait facile. Ce serait facile, donc c'est pour ça que je ne l'ai pas pris. Alors, je précise que cet objet n'a pas de rapport avec la technique. Je parle à tout le monde, alors ce n'est pas une caméra, ce n'est pas un clap, joli clap qui est là d'ailleurs, et ce n'est pas un micro. D'ailleurs, c'est vraiment un objet dans un film. À la manière de Fort Boyard, je vais vous donner des indices tout au long de l'émission. Et le but, c'est de retrouver le film, voilà, ou l'objet, même si vous êtes vraiment très chaud, qu'il y a dedans. Et quand ce sera l'heure de l'indice, une sirène que vous connaissez bien va retentir. On l'a déjà entendu, peut-être la réécouter. C'est la sirène de La Purge. American Nightmare. American Nightmare, exactement. Et quand on entendra cette sonnerie, tout s'arrête. Il faudra se taire pour écouter les indications que je vous donnerai. Après chaque indice donné, vous avez le droit à une proposition chacun. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce que c'est clair? Non, c'est bon. Pour moi, c'est très clair. On peut y aller. Premier indice, alors? Allez. Premier indice, musique. Ah ouais. Premier indice. Donc, non mais tu démarres très très large. Oui, parce que si on trouve maintenant, enfin voilà, ça m'aurait un peu embêté. Donc le premier indice, musique. C'est musique, et il y aura 4 autres indices en tout dans l'heure. Donc je pense que vous n'avez pas pour l'instant de proposition. C'est très bien, mais en tout cas, on est parti. C'est un premier indice pour la boîte. C'est ça. Vous avez encore pratiquement une heure chez vous pour réfléchir. D'autres petits coups de pouce viendront d'ici là. Tu l'as dit, Fabien. En attendant, Lauriane, c'est à toi avec portrait façon ciné ou en tout cas scénario de notre invité. C'est parti. Alors aujourd'hui, Stéphane Boutsock, je vous propose dans les studios d'École de France qu'on écrive ensemble le premier jet d'un scénario, d'un biopic plus précisément, le vôtre. Est-ce que ça vous va? Oui, c'est un peu présomptueux, mais j'accepte. Volontiers. Alors, le film débute en septembre 1987 dans les studios, à l'Anatole Black. Pardon. Le personnage principal, qui n'est autre que vous, rentre en première année de journalisme. Alors c'est maintenant que je vais commencer à vous solliciter. Je veux que les auditeurs puissent visualiser le décor. Alors à quoi ressemblaient à l'époque les studios? C'était très, dans le bon sens du terme, c'est pas du tout péjoratif, c'était très artisanal. En fait, il y avait une première année où on pouvait faire animation, journalisme, technique, et on se spécialisait deuxième année. Il y avait du matériel, il y avait des profs excellents, c'est aussi pour ça que je suis resté dans cette école. Mais honnêtement, par rapport à ce que je vois aujourd'hui ici, ça n'a rien à voir. On parle bien sûr du studio École de France, mais ancienne version, c'est ça. En termes de matériel, c'était des magnétoscopes, c'est ça, par exemple, sur les montages? Il y avait des magnétoscopes. Alors, vous n'avez pas connu ça, vous, heureusement. Il y avait encore ce qu'on appelait, nous, les Revox, c'est-à-dire qu'on montait vraiment sur des bandes magnétiques avec des ciseaux, du collant, des scotch bleus. Donc, c'était un peu archaïque, mais formateur. Très bien. Alors, dans ce décor artisanal, vous travaillez beaucoup, vous perfectionnez votre écriture et votre style derrière un micro. 2 ans après, en 1987, vous obtenez votre diplôme. Vous sortez même majeur de promo. Félicitations. Waouh, bravo. Digne d'un personnage principal. Quelques années plus tard, vous entrez dans la grande famille d'RTL en avril 1995. Vous commencez par présenter la tranche info de 5h à 7h. Et 11 ans plus tard, en septembre 2006, vous devenez spécialiste cinéma. Alors, pour perfectionner au maximum ce biopic, j'ai besoin de savoir, est-ce que la spécialité cinéma, c'était votre objectif, votre rêve de journaliste? Alors, c'était un rêve de gamin, en fait. C'est-à-dire que dès le lycée, en fait, moi je suis des Ardennes, de Charleville-Mézières, donc dès le lycée, on avait monté avec des potes un ciné-club. Je travaillais déjà dans une radio locale, comme on disait à l'époque, une toute petite radio qui s'appelait RMP, où on faisait tout, évidemment, on y passait 80 heures, je pense, le week-end, et on faisait à la fois l'animation, les journalistes, les critiques ciné, donc ça vient de là, en fait. C'était pas un objectif, mais ça a heureusement rencontré un rêve de gosse. Donc votre avenir, vous l'avez bien imaginé, et vous faites partie de l'émission « Laissez-vous tenter » avec Anthony Martin, la présentation. Donc Laissez-vous tenter, c'est une émission qui offre un beau bouquet de culture, des interviews, des reportages, des coups de cœur, mais aussi des coups de gueule. C'est une émission culturelle qui vous informe sur l'actualité cinéma, musique, théâtre ou encore littéraire. Et jusqu'en août 2022, le rendez-vous était fixé chaque matin à 9h pour une demi-heure. On vous retrouve aussi au grand rendez-vous de l'info sur la station. Et il y a eu un changement. Depuis septembre dernier, c'est le dimanche de 9h15 à 10h. Malgré tout, vous gardez le contact avec vos auditeurs la semaine, toujours sur les grands rendez-vous de l'info. Et 28 ans après, votre premier micro à RTL, vous avez gravé des échelons. Aujourd'hui, vous êtes également leur rédacteur en chef adjoint. Alors, je veux que ce scénario, qu'on écrit ensemble aujourd'hui et qu'on retrace vos meilleurs souvenirs. Si vous deviez choisir un reportage ou une interview qui vous a marqué, laquelle vous choisissez ? On parle de cinéma ou on parle info Peu importe. Ouais, bah pourquoi pas les deux, Pourquoi pas les deux, voilà. C'est très compliqué. Attendez, j'essaie de réfléchir. Ou une rencontre Non, ce qui est intéressant quand on fait le cinéma sur une radio comme RTL, et il y en a quelques autres, c'est pas lié à RTL, c'est qu'on traite évidemment l'actualité cinéma de la semaine, mais on a aussi l'occasion d'aller sur des tournages, d'aller sur des festivals, etc. Et moi, je me souviens d'avoir eu la chance, là c'est ce qui vient là, d'aller sur le tournage de deux James Bond qui étaient, de mémoire, Skyfall et Spectre, donc une fois à Istanbul et l'autre fois à Mexico. Et là, c'est génial, parce que vous entrez, quand vous aimez ça, vous entrez dans les coulisses de la fabrication. Vous étiez sur le plateau On était sur le... Alors, généralement, quand ils nous invitaient sur les... Je dis invités parce que le dernier, on n'y a pas été conviés. On verra le prochain. Mais en tous les cas, ils invitent les journalistes sur la scène d'ouverture, la fameuse scène d'ouverture. Donc, Istanbul, c'était la scène de la moto avec Daniel Craig. Et Spectre, c'était la scène des hélicoptères dans le centre de Mexico. Donc ça, c'est surréaliste, parce que vous avez des villes qui sont fermées. Ils sont bouclées. Totalement bouclées. Il y a des milliers de figurants, des centaines de techniciens. Et vous avez accès, en effet, à Craig et à tous les autres. Donc ça, c'est des souvenirs qui sont géniaux quand on aime le cinéma et quand on aime le journalisme de cinéma. Oui, donc le mélange était parfait. Ah oui. Alors, comme un héros qui se respecte, vous avez plusieurs cordes à votre arc. Vous êtes rédacteur en chef adjoint, journaliste spécialiste cinéma, mais vous êtes aussi auteur. Vous sortez votre premier livre en août 2004, Michael Jackson. Dedans, vous retracez la carrière et la vie privée du chanteur. C'est une enquête sur la légende. Vous cherchez à savoir si celui qui s'est autoproclamé roi de la pop mérite toujours ce titre. Alors ce livre, ce n'est pas le seul que vous avez écrit avec sur MJ, il y en a 4 autres. Le dernier est paru en décembre 2016, Le Petit Dico Michael Jackson. Alors vous êtes auteur et un peu son biographe, mais alors je suis un peu curieuse et je voudrais savoir d'où vient cet intérêt pour Michael Jackson. Eh bien je vais vous faire globalement la même réponse que la première. Non, ça ramène à, là aussi à l'enfance et à l'adolescence. En fait, moi quand, la première fois où j'ai entendu Billie Jean, je me souviens exactement de où c'était, avec qui j'étais, etc. Et je me suis dit qu'il y avait un truc que j'avais jamais entendu en fait. Voilà. Et je crois que c'était le cas. La première fois où on écoute l'album Thriller, on se rend compte que, voilà, qu'il y a quelque chose qui n'a pas bougé en fait 40 ans après. Et à partir de là, je me suis intéressé d'abord à la musique en remontant le temps, en allant vers les Jackson 5, etc. Et puis, le temps passant et l'évolution de la carrière et de la vie de Michael Jackson dans ses hauts comme dans ses bas faisant, il y avait un personnage dingue. Clairement. Une histoire incroyable. Et je suis allé au bout du truc. Vous parliez des reportages. Le procès de Michael Jackson en 2005. Oui, j'ai vu, vous étiez convié. Je l'ai couvert pour RTL pendant la première semaine là-bas à Santa Maria et c'était un moment fou. Voilà. Ça, c'est, en tant que journaliste, c'est un moment dingue. Donc, Billie Jean, c'est la Madeleine de Proust, quoi. Ah, ouais, vraiment. Ah oui. Ouais. C'est bien ça. Il y a pire, hein. C'est plutôt pas mal. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Ouais. On aurait pu tomber sur autre chose, mais là, on est bien, je pense. C'est pas intéressant, surtout. Oui, c'est vrai. Mais alors, Le Petit Dico Michael Jackson n'est pas votre premier ouvrage. Le 15 avril 2019, Le 15 avril 2019, Notre-Dame de Paris brûlait. Jean-Jacques Arnaud, réalisateur, producteur de cinéma et scénariste français, veut faire un film. Pendant plusieurs mois, il rencontre les protagonistes du sauvetage de la cathédrale, pompiers, militaires, religieux, mais aussi des témoins de l'incendie. De votre côté, vous écrivez le journal de bord du film. Ils ont le même titre, Notre-Dame brûle. Le film sortait le 16 mars 2022, votre ouvrage un mois plus tard en avril. Ce livre combine vos deux professions, le journalisme, le cinéma et l'auteur. En résumé, ce biopic retrace 28 ans d'antenne, d'enquête, d'écriture et de rencontre. Tous les films ont une scène de fin, même si l'histoire n'est pas finie. Votre biopic aussi doit en avoir une. Alors je vous laisse l'imaginer avec moi. Cette semaine ou dans celle à venir, rendez-vous dans une salle de cinéma, votre préférée par exemple. Installez-vous confortablement sur un siège. Là, l'écran s'allume. Quel film allez-vous voir ? Celui que je reverrai, je reverrai E.T. Ah ! Ouais. E.T. Très bien. Parler de Madeleine de Proust, ça c'est mon ça film. Aussi c'est mon film c'est de le chef. Film Madeleine de Proust. En plus, je trouve qu'il y a moi qui idolâtre Spielberg. Il y a tout Spielberg dans E.T. Il y a tous ses thèmes, l'enfance abandonnée, le divorce, l'étrange, le mystérieux, le magnifique. Voilà. C'est mon film de chevet. Moi, j'imagine que sur toutes les étapes de votre vie, vous le redécouvrez différemment. Oui, mais en plus, quand vous avez des gamins, vous les montrez à vos enfants. C'est un film que je revois, pas tous les ans, hein, mais que je revois très régulièrement. Ouais, ça a pas mal vieilli pour des enfants. Non, quand ils sont très petits, ça leur fait peur quand même, parce la première apparition de la créature est quand même un peu flippante. Mais c'est bien de leur montrer, parce qu'il y a quand même il y a un côté conte, quoi, et ça marche même avec les petits. Ouais. Très bien. Bah, merci beaucoup. Bah, merci à vous. Bah, merci, merci à toi, Lauriane. Oui, bah, ça donne envie. Hein. Ça donne envie de s'intéresser à aller voir ce film. Tiens. Exactement. Et on en arrive à ce que vous êtes maintenant, c'est-à-dire critique cinéma ou en tout cas spécialiste cinéma. Moi, je me posais la question, comment on fait pour acquérir une forme de légitimité, se permettre de critiquer une œuvre dans une chronique ou sur quelque chose d'assez court, alors que bah, derrière, il y a toute une équipe ou tout un réalisateur ou une réalisatrice qui a bossé dessus pendant, je ne sais pas, une année, peut-être même toute une vie. Mais ça ne doit pas être simple. Hein. Non, mais c'est une très bonne question parce que c'est le cœur, je crois, de ce métier. Quand vous dites critique, moi, je ne me considère pas comme critique, c'est-à-dire qu'il ne viendrait jamais à l'esprit de dire à ceux qui nous écoutent, qui m'écoutent, pardon, hein, n'y allez pas, c'est une bouse. D'abord, oui. je trouve que c'est en effet, vous avez raison, totalement respectueux pour des gens qui parfois mettent vraiment des années de leur vie et de leur argent dans un film. Mmh. Après, moi, c'est totalement subjectif. Si on va voir le même film, vous aurez un avis, oui, j'aurai le mien. Quand ça ne me plaît pas, l'émission s'appelant Laissez-vous tenter, je préfère passer mon tour, vraiment, et parler d'un film qui m'a plu. Alors, okay. Ceci dit, petit bémol, il m'arrive non pas de me faire plaisir, mais d'être un peu en colère parfois en sortant d'un film. Bien sûr. Quand je vois vraiment que ce soit l'écriture, la réalisation, le jeu des acteurs, il y a des choses qui n'ont pas été soignées ou pas suffisamment travaillées. Je le dis en toute humilité, parce que j'ai jamais fait de film. Hein. Mais en tous les cas, dans ces cas-là, je peux me permettre un coup de gueule. Mais l'idée est avant tout, et surtout après Covid, de donner aux gens de retourner au cinéma. Il y a 17 films, 15 films qui sortent par semaine. C'est ça, donc forcément 2-3 films qui nous enthousiasment. Et comment est-ce que ça m'intéressait aussi, comment est-ce que les gens vous perçoivent? Parce que pour beaucoup, être critique, même si vous aimez pas trop ce mot, c'est un peu ça. Sociétal, original, impérial, abyssal, onze mondial, boule de cristal, péridural et Jacques Facien. Élégant. Très élégant, drôle. Fabien Toulère. Bon, non, je voulais juste rebondir parce que je pense que c'est un peu ce côté, je pense, élitiste qu'on veut peut-être donner à ce métier. Et moi, justement, je m'interrogeais pourquoi est-ce que ça va avec ta question. Pourquoi est-ce qu'on a on a l'impression qu'on veut vraiment mettre des mots compliqués, qu'on veut vraiment mettre quelque chose de se sentir au-dessus quand on écrit une critique cinéma. Moi, je regarde les critiques de presse. Quelquefois, je me dis, mais en fait, personne comprend rien. Et en fait, on veut juste savoir si c'était bien. Oui, qu'est-ce qui est pas été. Enfin, et en fait, on recherche ça. Et j'ai l'impression qu'il y a quand même un truc où on a envie de rendre ça élitiste. Vous ressentez ça? C'est toute la difficulté du boulot, c'est justement de ne pas faire ce que vous décrivez et j'espère que j'y arrive. Il y a sans doute des fois où je passe à côté ou à travers, mais rendre compte de l'enthousiasme qu'on ressent pour un film, il n'y a pas besoin d'utiliser des mots extrêmement compliqués ou besoin de renvoyer les gens vers un dictionnaire. Quoi. On laisse parler nos émotions, notre ressenti, et j'essaye en tous les cas, moi, de le faire. Mais en effet, peut-être. Oui, voilà, y en a certains, enfin, je trouve qu'il y en a certains qui aiment bien se donner un rôle quand même. Alors, est-ce que c'est fait exprès de se donner un rôle parce que peut-être que ça va attirer des lecteurs qu'on a envie d'attirer, ou est-ce que c'est parce que c'est naturellement, c'est les émotions qui viennent, et en fait, il y a ce vocabulaire qui vient directement? Alors, ça dépend aussi, je crois, du parcours, de la formation, et puis de l'âge aussi, peut-être, des gens qui écrivent ou qui racontent ainsi les films. Ça dépend aussi du support sur lequel vous le faites. Et moi, travaillant tous les cas sur RTL, qui est une radio populaire dans le très bon sens du terme, je vais pas m'amuser à essayer de surprendre les gens en utilisant des mots. Que ce soit compris par le plus de monde. Voilà, sinon, on perd des gens. Ouais, il faut être le plus compréhensible possible. Est-ce qu'après toutes ces années de professionnalisation, on va dire, de ce qui était à la base d'une passion, vous arrivez encore à être émerveillé en salle, à prendre du plaisir? Ah oui. Ouais. Ouais, oui, bien sûr. Ça, oui. D'abord, il faut, parce que je pense que le jour où ça s'arrête, sinon, il faut faire autre chose. Ouais. Vraiment. Moi, je prends toujours autant de temps à aller voir un Marvel quand ils sont bons, ce qui est un petit peu moins le cas ces derniers temps, mais d'aller voir un Marvel, d'aller voir un film iranien que je vais découvrir à Cannes, dont j'avais jamais entendu parler 15 jours avant. Voilà, c'est ça l'idée. Ouais. C'est d'être curieux et surpris en permanence. Le jour où ça s'arrête, faut réfléchir. Ok. Alors justement, on a évoqué la salle de cinéma et dans l'histoire récente, eh ben, il s'est passé pas mal de choses sur la planète ciné au mois de mars. Et on voit ça tout de suite avec toi, Arthur, pour une sorte d'éphéméride du 7e art. Et oui, nous sommes le 27 mars, c'est l'anniversaire d'un très grand réalisateur américain. Il a fait de nombreux chefs-d'œuvre, dont Kill Bill, Pulp Fiction et plus récemment Once Upon a Time in Hollywood. Vous avez deviné? Crois que oui. Tarantino. Un certain Quentin Tarantino. Certains, oui. Et oui, il fête ses 60 ans aujourd'hui. Voilà, donc ça c'est son amour hein, pour le cinéma. Il me semble que c'était à Cannes d'ailleurs, ce truc-là. Ouais. Autre événement important du cinéma, le 27 mars 1991 sortait le troisième volet de la saga du Parrain. Cette saga est réalisée par Francis Ford Coppola. C'est également le 27 mars 1973 que l'acteur Marlon Brando, qui a joué dans le premier film de la saga, devait recevoir l'Oscar du meilleur acteur. Cependant, il refusa le prix pour protester contre la manière dont le cinéma américain traite les natifs américains dans ses films. À la place, une actrice et activiste pour la défense des droits civiques des natifs américains est venue récupérer la statuette en costume traditionnel Apache. Autre moment de cinéma qui a marqué tout le monde autour de la table, la sortie du premier Toy Story le 27 mars 1996. Oh là là. Oh là là. Oui, et Buzz. Oui. On la connaît celle-là. Oh là là. Ton ami, c'est moi. Tu sais. Ce film est marquant puisque c'est le premier long métrage d'animation totalement créé en 3D. Suite à ce carton, Pixar a fait de nombreux succès, Cars, Coco, Wall-E. La firme d'animation créée par Steve Jobs a été rachetée par Disney. Grâce au savoir-faire des animateurs, ce rachat a permis à Disney de sortir d'une crise majeure dans les années 2000. À cette période, vous commencez à RTL, j'imagine que la sortie de Toy Story a bousculé la manière de regarder un film d'animation. C'est-à-dire que l'animation est devenue un genre noble à partir de là. C'est-à-dire que Shrek, alors c'est un autre studio, c'est DreamWorks, s'est retrouvé en compétition à Cannes quand même, ce qui est un truc fou. Bien sûr. Il y a des films qui sont en compétition à Venise. On dit que le prochain Miyazaki des studios Ghibli sera en compétition à Cannes cette année. Oui, Toy Story, c'est un marqueur fort de l'histoire du cinéma. Et pour avoir eu l'occasion et la chance d'aller à San Francisco dans les studios Pixar, je peux vous dire que ça, c'est un truc absolument dingue. C'est imaginer une espèce de campus de verre, de briques et d'acier où il y a, je sais pas, 60 nationalités, c'est-à-dire qui viennent recruter les gamins dans les écoles d'animation, y compris en France, parce qu'on a de très bonnes écoles au-delà des Gobelins, mais les Gobelins, c'est un exemple majeur. Et vous vous retrouvez là-bas et vous passez dans une vitrine, en effet, où il y a tous les Oscars, tous les prix. Ça, c'est un moment aussi... Ça peut être une petite Madeleine de Proust, ça aussi. Hein. En tout cas, pour ma part, Toy Story, il est là. Mais Wall-E, c'est merveilleux aussi. Ah, absolument. Oui, grand film. Eh ben, comme bien souvent avec toi, Arthur, on a bien voyagé dans le temps. Merci beaucoup. Je crois qu'il y a la Panthère Rose qui va revenir. Ce qui était la Panthère Rose. Mais il me semble que c'est American Nightmare qui est de retour. American Nightmare de la purge, bien sûr. Alors, du coup, ça veut dire que c'est l'heure du deuxième indice. Alors, je vous le rappelle, il y a toujours une boîte au milieu de cette table avec un point d'interrogation. Panthère Rose est arrivé. Il y a une boîte avec un objet en rapport au cinéma et on va devoir deviner ce qu'il y a dedans. Alors le premier indice que j'avais donné tout à l'heure, c'était musique. Exactement. Et le deuxième indice, tenez-vous bien, c'est hors la loi. Hors la loi. Musique et hors la loi. Vous avez droit à une proposition maintenant, sinon on réfléchit, on peut passer à la suite. Je crois qu'on va passer à la suite parce que ça m'arrange tant que plus vous la devinez tard, plus mon jeu est préservé jusqu'à la fin. Donc franchement, ça m'arrange. C'est un film, on est d'accord. C'est un film, alors c'est un objet. C'est de un film. Objet. Si on trouve le film, c'est super, mais il faut trouver l'objet. Film de cinéma. Film de cinéma. D'accord. Ok, ben on va réfléchir le temps de faire une petite pause avec Lady Gaga et Shallow, titre qui a représenté le film Star Is Born. C'était aux Oscars il y a 3 ans. Et puis nous, on revient juste après ça pour la suite de Cinémascope. Tell me something, girl. Are you happy in this modern world? Is there something else you're searching for? I'll fall in all the good times I find myself longing for change. And in the bad times I fear myself. Thank you. écoutez la semaine des invités sur Studek Web. 14h27 sur Studek Web, on est de retour dans Cinémascope. Il y a quelques instants, nous avons écouté le morceau de A Star Is Born qui a fait son chemin jusqu'aux Oscars et qui a même gagné. Et justement, je me suis un peu penché sur le domaine de la musique de film en me posant cette question. Pourquoi les bandes originales nous touchent autant? Allez, on fait le point. Ah, c'est pas grave, il a du mal à se lancer. On y va pas? C'est parti. Et c'est bien souvent à cause d'elle qu'on frissonne, qu'on rit ou qu'on pleure devant un film. La musique est devenue avec le temps un art à part entière. Pirates des Caraïbes, Star Wars ou encore Jurassic Park, autant de chefs-d'œuvre où la BO est aussi populaire que les films eux-mêmes. Le point fort de la bande originale, c'est qu'elle nous invite sans cesse au voyage. Et oui, forcément. En jouant sur les notes et les instruments, Ennio Morricone parvient à nous plonger en plein Far West. Il est là, le génie des compositeurs. Sachez quand même qu'au début, il n'y avait pas du tout de musique dans le cinéma. Ensuite sont arrivés les orchestres qui jouaient en direct dans les salles. Et puis, petit à petit, eh bien, la BO est devenue pratiquement obligatoire pour faire un film. Aujourd'hui, les bandes originales se sont transformées en outils de mise en scène avec lesquels les réalisateurs s'amusent. Tenez, lorsque vous écoutez ça, a priori, tout va bien. Et donc on en a parlé tout à l'heure, il s'agit... On voyage. E.T. Il s'agit John d'E.T. William, exactement, donc on est sur l'enfant, c'est plutôt mignon, c'est plutôt bienveillant. Par contre, si vous entendez ça d'un coup, c'est pas pareil. Ah non. Changement d'ambiance avec l'exorciste et d'autres BO de ce type. Hein, la musique devient tout de suite plus angoissante et beaucoup, beaucoup moins agréable. Et parfois, ce que le réalisateur peine à transmettre par l'image en termes d'émotion, il l'amplifie par le son. Allez, soyons francs, hein, sans le thème de John Williams, nous n'aurions pas aussi peur des requins. La scène de la douche dans Psychose n'aurait pas eu le même effet. Et sans la musique de Hans Zimmer, Mufasa n'aurait jamais été aussi inspirant pour toute une génération. Alors d'un côté, la musique permet de créer une ambiance, de renforcer des dialogues ou des scènes, mais d'un autre, ne pas en mettre peut aussi fonctionner. Par exemple, Wes Anderson, lui, eh bien, il baigne tous ses films de la mélodie du français Alexandre Desplat, et ça marche parce qu'en fait, ça colle à l'univers très particulier de Wes Anderson. À l'inverse, les frères Cohen ont fait le choix de ne mettre aucune musique pour No Country for Old Men. Et ça, bah forcément, ça décuple le sentiment d'angoisse et de réel qu'il y a dans le film. Alors musique originale ou pas? Bon bah ça, il y en a qui ne s'embêtent pas et qui piochent dans ce qui existe déjà. Et le maître en la matière, on en a parlé tout à l'heure, c'est un certain Quentin Tarantino. Est sorti il y a 60 ans, la chanson Misère Loup qu'on entend hein, n'avait rien à voir avec le cinéma et pourtant elle est devenue grâce à Pulp Fiction une BO culte. Et ce choix de piocher dans des morceaux déjà existants et bah ça donne en fait hein, un style plutôt cool, plutôt décalé et hyper reconnaissable à tous les films de Tarantino. Et puis c'est pour toutes ces raisons hein, que les BO passionnent toujours plus. C'est grâce à elles que l'on a tous voulu partir à l'aventure comme Indiana Jones, que la magie d'Harry Potter a pris vie, que La Ligne Verte nous a fait pleurer ou que La La Land nous a fait danser, d'ailleurs on l'entend derrière. Les compositeurs font toujours leur effet, musique et cinéma, c'est un peu l'accord parfait. Et maintenant que j'ai beaucoup parlé autour de la table, est-ce qu'il y a une BO en particulier qui vous a marqué? J'imagine que oui, on va commencer par vous Stéphane. On vient d'écouter La La Land, ça c'est une des dernières, mais le boulot de Justin Hurwitz avec Damien Chazelle est fou sur Babylone. Exactement, qui est revenu cette année. Ah, oui. Le film est incroyable et on évoquait tout à l'heure le fait de jouer les musiques sur les plateaux, ce qui était le cas au temps du muet. On voit ça exactement dans Babylone. Et Tarantino le fait sur ses plateaux d'ailleurs. Tout à fait, donc effectivement Justin Hurwitz qui réalise un très très bon travail depuis le début, je crois, de la collaboration avec Damien Chazelle. Fabien, est-ce qu'il y en a une qui t'a... Alors le Babylone, parce que c'est le dernier jeu, Babylone me vient tout de suite en tête, j'ai mis tout est enregistré dans ma playlist, c'est vraiment tout est enregistré dans ma playlist, c'est super, c'est le jazz comme ça, en plus ça plonge directement dans l'ambiance, il y a vraiment un truc où les BO c'est ultra important, mais moi on va dire que j'ai surtout retenu un film all time, pour moi c'est le Joker, et je sais que la scène dans la salle de bain où il y a ce petit violon qui arrive, alors je sais plus qui l'a fait, mais moi ça m'a donné des frissons et ça m'a donné envie de... Ouais, voilà, ça m'a procuré une émotion, mais tellement mal à l'aise. Et c'est celle-là que je retiens. Voilà. Arthur ? Pour moi, c'est Alexandre Desplat avec Imitation Game. Alexandre Desplat, bien sûr, qui est un des compositeurs français qui cartonne aux États-Unis, qui a été nommé plusieurs fois aux Oscars. Je sais même pas s'il en a pas remporté un d'ailleurs. Mais effectivement, celle pour Imitation Game est très, très, très, très cool. Lauriane. À mon tour, Fly de Ludovico Einaudi. Ah bah oui. Et ça, j'ai redécouvert en allant le voir au concert, en fait. C'est la musique de... d'Intouchable. Ah oui, tout à fait, voilà, c'est ça. Ça y est, ça y est. Bon, eh bien, après la musique, place à un autre pan qui façonne le 7e art depuis sa création. Les adaptations, le cinéma art de la récupération, plus ou moins par nécessité, n'a jamais cessé de piocher un peu partout. Et on voit ça avec toi, Arthur. Et oui, elles peuvent être tirées de livres, de séries et on le sait moins de jeux vidéo. Pour commencer, savez-vous quels sont les auteurs les plus adaptés au cinéma? Les auteurs les plus adaptés, c'est quoi? C'est un style d'écriture? Le nom de l'auteur. Un nom. Est-ce qu'on Dumas peut-être? Non, je suis pas sûr. Moi, j'aurais dit Stephen contes, King. Les contes, ah, peut-être. Ouais. Tu sais la réponse, Jérémy, non? Oui, je crois que je sais la réponse. Mais j'aurais dit Stephen King. Alors, le premier est l'auteur britannique William Shakespeare avec plus de 300 adaptations. D'abord. Et oui, les histoires à l'eau de rose qui finissent en drame, ça fonctionne. Le deuxième, vous avez raison, Stéphane Boussoc, c'est Alexandre Dumas. Ah, puisque la première adaptation des Trois Mousquetaires date de 1903. La prochaine va sortir très prochainement, justement. On écoute un extrait de la bande-annonce. Voici donc les diables que je dois gronder. Excusez-moi. Vous croyez que cela va suffire? On ne se fait pas justice soi-même. Si t'es un peu plus gras, celui-là, je l'embrocherai bien. Hein. Un droit qui m'appartient à moi. Et à moi seul. Qui est cet enfant? D'Artagnan, votre majesté. Trois duels aux 3 heures avec trois mousquetaires. Monsieur Athos a le droit de me tuer en premier. Monsieur Porthos en second. Et Aramis en dernier. Et on retrouve un casting extraordinaire avec Romain Duris, Vincent Cassel et bien François Civil. Va-t-il plaire aux fans du roman? Résultat dans les salles le 5e avril prochain. Et t'as raison, Jérémy, le 3e, c'est Stephen Hawking avec plus de 37 films. Stephen King, pas Stephen Hawking. C'est pas tout à fait la même personne. Ça ferait très bizarre. Stephen King avec plus de 37 films adaptés au cinéma, notamment Shining, Christine, qui ont traumatisé de nombreux spectateurs. Effectivement. Par contre, en ce qui concerne les séries, c'est quand même un peu plus rare. Oui, pour ma part, quand on me parle de séries qui sont adaptées au cinéma, aucune ne me vient à l'esprit, sauf une, la série britannique Downton Abbey. Cette série dramatique raconte et suit la vie de la famille Crowley et de leur domestique à Downton Abbey, une demeure anglaise dans les années 1910. Ce que j'aime avec l'adaptation de cette série, c'est qu'elle est assez fidèle, que ce soit dans les costumes ou dans les scénarios. Autre série qui a été adaptée au cinéma, Starsky et Hutch, mais qui a eu beaucoup moins de succès, malgré un bon casting. Il y a une réaction là, Stéphane. Hein. Oui, non, c'est... je passe. Pas le même registre, le fameux je passe. Même s'il y a un bon casting, hein, Ben Stiller et Owen Wilson. Alors on peut citer également des choses qui ont très bien marché, comme Mission Impossible ou La Famille Adams, hein, par exemple. Alors si pour les séries c'est difficile, qu'est-ce qu'on devrait dire pour les jeux vidéo? Oui, parce que quand on pense aux films adaptés de jeux vidéo, souvent la qualité n'est pas au rendez-vous. Par exemple Tomb Raider, Mario de 1992, Sonic, Assassin's Creed, Hitman, autant de films souvent décevants. Pour conclure, adapter des jeux vidéo, des séries ou bien tout simplement des livres, c'est très compliqué parce qu'il faut plaire en même temps aux fans de l'œuvre originale et faire aimer le livre, le film à tous les autres. Et vous, Stéphane Boussoc, y a-t-il une adaptation que vous attendez avec impatience? On parle d'adaptation de jeux vidéo ou de... N'importe, que ce soit livre, série ou jeux vidéo. Pour tout vous dire, là, je vois dans quelques jours l'adaptation de Super Mario. Super Mario, Sachant que le premier film qui date de 93 était une épouvante. Ouais. C'était une catastrophe. C'était la première fois qu'on tentait d'adapter un jeu vidéo et ça a failli sonner le glas de l'adaptation de jeu vidéo. Là, je suis assez curieux parce que la bande-annonce donne assez envie. Il y a un gros pari artistique, je crois, derrière. Donc ça, j'attends. D'accord. C'est quel studio? Je serais tenté de vous dire Warner, Illumination, les Français de chez... Non, pas sûr. On va vérifier. On va vérifier l'information, bien sûr. Et la vie des artistes, elle peut aussi être retranscrite à l'écran avec des biopics. On parle d'adaptation de vie. Forcément, on en a parlé tout à l'heure, le film sur Michael Jackson qui arrive l'année prochaine, je crois, ou celle d'après, je ne sais plus. Pour le 15e anniversaire de sa mort, donc je pense que c'est l'année prochaine. C'est ça, donc c'est l'année prochaine. Ouais. J'imagine que ce projet, il vous intéresse, forcément. Ah oui. Alors je suis à la fois curieux et inquiet. C'est la question que j'allais vous poser. comment... Curieux, parce que cette vie est tellement dingue qu'il va falloir choisir. Soit c'est compliqué de raconter cette vie-là en deux heures. Donc soit on fait un film de 3h45 et c'est une autre complication. Oui. Soit on résume, on édulcore, on passe sous silence des choses, et je crois qu'il ne faut pas d'ailleurs, il faut tout aborder. Bon courage pour l'acteur. Qui va quand même avoir qui est devoir... le neveu du oui mais il va falloir Michael. Quand même qu'il endosse une apparence physique à géométrie variable, mais en même temps je suis très très curieux parce que c'est, je pense que l'idée c'est aussi de célébrer le talent de cet artiste là et banco, mais les derniers exemples, si je pense au biopic sur la vie de Whitney Houston, n'étaient quand même pas très très très réussis pour le coup, donc j'espère que les moyens seront mis là pour le coup de la part de Sony. On espère, parce qu'il s'agit quand même d'un des plus grands, si ce n'est le plus grand artiste musical de tous les temps. Une chose est sûre, que ce soit une adaptation ou non, eh bien, le cinéma, eh bien, c'est pas gratuit. Alors, si l'inflation repousse la fin des tickets de caisse en août prochain, ça on l'a vu, ça fait l'actu, elle repousse aussi les spectateurs à aller au cinéma. En France, le prix moyen d'une place est de 7,04 €, mais dans certaines salles, ce tarif est pratiquement doublé. Mais alors, comment s'explique ce tarif et ces écarts de prix? Eh bien, on voit ça avec toi, Lauriane. Alors d'abord, Jérémy, à titre comparatif, quand Stéphane Boutoc, vous êtes rentré au Studec, le prix moyen d'une place était de 5,30 €. C'était même en francs, pour tout vous dire. En plus. Donc ça a pris pratiquement 2 €. Alors ça se justifie puisqu'il faut prendre en compte d'autres hausses, notamment l'augmentation des charges, la revalorisation du SMIC, mais aussi le prix de l'électricité qui a flambé ces dernières années. Est-ce que les Français y vont moins pour autant? Alors pour me faire une idée, j'ai été voir sur Twitter. Et on a Sandidou qui nous a dit « Vu le prix de la place, on y va pour un film qui vaut le déplacement ». Et le grand Charou, lui, a tweeté « À une époque pas si lointaine, la place de cinéma était à 4,50 €, puis la 3D est arrivée et le prix a doublé. Ça fait un peu plus de 3 ans que j'ai pas foutu les pieds dans un cinéma et je compte continuer encore longtemps comme ça. » Ah, c'est triste. Alors oui, les nouvelles technologies font aussi gonfler les prix. Ceci dit, 7,04 €, c'est la moyenne. Le tarif normal à UGC est fixé à 14,50 €, sauf si vous avez un abonnement, et dans ce cas, c'est entre 7,20 € et 8,80 €. Mais même avec un abonnement, on est au-dessus du tarif moyen. Alors, je vous le demande, autour de la table, est-ce que vous trouvez que les tarifs sont bien trop élevés? Alors, Fabien, je sais que... Moi, je suis révolté. Non, mais attendez, moi, j'ai regardé un petit peu aussi, j'ai des chiffres complémentaires. Alors, je me suis travaillé notamment sur les pâtés. Alors, le pâté à Bois Boulevard, 14,20 € la place plein tarif hein, pour un week-end. Pâté Massy, 14,60 €. Pâté Boulogne, 15 €. Et pâté Alésia et le pâté à Convention est à 15,50 €. Donc, tout autour de Paris. C'est-à-dire que si vous allez avec deux adultes, deux enfants, la place enfant est à 7,50 €. Et ben, vous en avez pour 45 € minimum avec, allez, si on prend les petits pop-corns et les boissons qui sont pas compris dans le prix. Moi, je suis révolté. Je suis révolté. Pourquoi une place coûte aussi cher maintenant? On peut avoir l'inflation, on peut avoir tout ce qu'on veut. Ça peut pas. Il y a quand même des marges. Je peux comprendre qu'il y a le Covid. Mais... Stéphane, vous pouvez peut-être répondre à cette question. Comment est redistribué? Enfin, où va l'argent d'un ticket de ciné? Parce que je sais qu'une partie est redistribuée pour investir ensuite dans le cinéma. Oui, on est le seul pays au monde quasiment à faire ça. C'est-à-dire que sur chaque ticket d'entrée, quel que soit le film, que ce soit une comédie, un drame ou un film de super-héros, le CNC perçoit en effet une taxe qui va être reversée à un pot commun qui aidera à financer des films qui souvent en ont bien besoin, c'est-à-dire le fameux cinéma d'auteur, l'exception culturelle française. Ça. Donc ça, c'est une règle vertueuse qui a en partie sauvé le cinéma pendant le Covid. Donc ça, je pense que c'est quelque chose qu'il faut garder. Là où je vous rejoins et où je vous rejoins pas, c'est qu'en effet, le cinéma, c'est extrêmement cher, et pour une famille, ou même pour des étudiants ou des ados qui ont un budget. 10 € la place étudiante au pâté que j'ai dit. Voilà. Ça, c'est très cher. Et en même temps, comme dirait l'autre, quand vous allez voir Avatar qui fait 14 millions d'entrées là, qui vient passer les 14 millions d'entrées, ou Spider-Man qui a passé les 7, et que les places sont à 14 ou 15 balles, les jeunes, justement, ça touche un public jeune, adolescent ou étudiant, ils vont, c'est-à-dire que je pense que tout dépend de l'offre que vous proposez pour ce prix-là. C'est-à-dire que je trouve, moi, peut-être pas normal, en effet, que quand vous allez voir une production classique, modeste dans le bon sens du terme, vous payez 15 € pour voir une place. Quand vous allez voir un film grand spectacle qui a coûté 400 millions de dollars et qui a nécessité de la part de l'exploitant l'installation d'un système 4K ou d'un système Atmos en termes de son, il y a un investissement de la salle qu'il faut rentabiliser. Là, peut-être, mais peut-être que tout ça devrait être à géométrie variable, et je crois que ce n'est pas toujours le cas. Surtout que là, j'ai regardé les tarifs, vraiment, VO, VF, il n'y a pas de 3D, il n'y a pas de KD, il n'y a pas les Dolby. C'est vraiment le plus basique des tarifs. La solution serait peut-être d'avoir un tarif adapté en fonction de l'offre. C'est vrai que si on va voir un Quentin Dupieux qui fait 1h20 et qui coûte le même prix que Babylone qui fait plus de 3h, c'est quand même un peu frustrant. Il existe quand même des solutions. On a parlé, je crois que tu en as parlé, Lauriane, des abonnements qui sont quand même très très rentable, où on paye une dizaine, voire une vingtaine d'euros maximum par mois pour aller voir autant de films qu'on veut. Et puis toi, Fabien aussi, tu vas voir des... Tu vas dans des cinémas municipaux, c'est oui, ça? Oui, c'est ça. Alors du coup, moi j'habite à Montreuil. Hein. Voilà, j'habite à Montreuil, il y a le Méliès, ça s'appelle. C'est un cinéma public géré du coup par la région. Et en fait, bah, la place plein tarif est à 5 euros. Et la place tarif réduit, donc moins de 26 ans, personnes en situation de handicap, RSA, etc., est à 4 euros. Et pour les mêmes programmations sans attendre. On n'a pas tous les films. On en a un peu moins, mais c'est les mêmes conditions. Mmh. Je suis installé dans une grande salle, un bon audio, c'est pas des chaises, quoi. On est sur des fauteuils, c'est confortable. Et c'est pour ça que moi ça me révolte de mettre, par exemple, en tant qu'étudiant, 10 euros, de mettre le double, un peu plus du double pour le même film que je vois. Et finalement, il y a pas grand chose qui change. En fait, peut-être qu'on s'en rend pas compte. En tant que spectateur, mais en tout cas, il y a pas grand chose qui à l'œil et à l'oreille, il y a pas grand chose qui change. Après, c'est les tarifs surtout EGC et Gaumont qui sont plus chers. Par exemple, MK2, c'est un peu le même. Oui, alors ça c'est bien. Parce... MK2, ouais. Et puis il y a des tarifs étudiants. Et on est aux alentours de 5 euros. Ah oui, mais non, mais c'est normal. Mais pour moi, ça devrait. Parce qu'en fait, le problème c'est que le cinéma c'est populaire en fait. Et le problème c'est que là, en fait, on est en train de rendre ça une activité. Enfin, je veux dire, voilà, une heure de trampoline park, par exemple, c'est 13 euros pour un adulte. En non plus, mais voilà, on peut faire du trampoline pour une heure. Quoi. À la Comédie Française, t'as aussi des. Tu peux aller voir, par exemple, Tartuffe pour 10 euros en tant qu'étudiant. Ouais. Bah oui, mais c'est... Finalement, ça vient même moins cher d'aller à la Comédie Française bah qu'à ouais, l'époque. Alors que c'est le théâtre, super quoi. Cher. Ouais, c'est ça. C'est le théâtre, c'est pas... Mais le paradoxe de ça, c'est qu'il y a aussi, à l'inverse, une vraie demande de haut de gamme. Quelqu'un a cité Pathé tout à l'heure. Ils sont en train de se lancer, enfin ouais. D'essayer, hein, comme une sorte de laboratoire, des salles high-tech et business, si je veux dire, où les places sont pratiquement à 20 euros. Et je crois que ça marche très, très bien pour l'instant. Donc, il y a aussi une demande. Justement, c'est à Gaumont-Parnasse, dans le 14e arrondissement de Paris, ce cinéma premium où la place au tarif normal est à 18,50 €. Après, il y a des choses en plus, hein. Par exemple. Ah oui, j'espère. Oui, non, mais alors, ce qui est super, c'est que tu peux incliner ton siège. Waouh! Et par rapport à la projection. Les gens veulent une ouais, expérience un une peu. Une partie du public demande c'est ça. C'est ça, hein. Est-ce que ça coûte 18 €? 18,50 €. Enfin, la projection a été changée, c'est avec un système laser. Donc, apparemment, ça fait moins mal aux yeux. Ouais, bon, écoutez, vous connaissez mon avis maintenant. C'est beaucoup de marketing. Les marketing. Bon, ce qui est certain, c'est qu'en étant jeune, aller au cinéma, bah voilà, c'est clairement un budget, mais on a vu qu'il y avait quand même quelques petites solutions qui existaient, de quoi nuancer quand même un tout petit peu le débat sur les prix des places de ciné qui ont tendance à s'envoler. On fait une toute petite pause, on revient juste après The Weeknd avec Nothing Is Lost, la musique d'Avatar 2. Protect you from paying for my sins. And I've been walking this earth long enough that death's a gift. Been living this life so patient. Till I see you again, it's what we're facing. écoutez la semaine des invités sur Studek Web. C'est la dernière ligne droite de Cinémascope et nous sommes toujours en présence de Stéphane Boutsock qui nous fait l'honneur d'être ici pour la semaine des invités. Très beau t-shirt d'ailleurs, je l'ai vu, le Star Wars, il est très beau. Très très beau t-shirt et puis l'occasion pour nous de... De qu'est-ce que c'est bien fait. Ben oui, bien sûr, parce que là, l'heure on du approche. Troisième indice, bien sûr. La boîte noire, alors toujours cette boîte au milieu de la table. On ne sait pas ce qu'il y a dedans. Il y a un objet du cinéma, on doit trouver ce que c'est. Et j'ai donné déjà deux premiers indices. Donc, premier indice, c'était musique. Le deuxième indice, c'est hors la loi. Et le troisième indice, c'est espace. Alors, musique, hors la loi, espace. C'est dur. Musique, hein. Hors je la loi. Une proposition. Une proposition. Les gardiens de la galaxie. Alors, il nous faut un objet. Un objet. Ah merde, pardon, mince. Un objet. Au sourire de Fabien, je crois que le film, on est sur la bonne voie. On est sur la bonne voie. Un objet dans les gardiens de la galaxie. Un Walkman, un baladeur. On y réfléchira. Et bien, on a plus tard. Le reveal dans la boîte noire, bien plus sûr. Que 10 minutes avant plus le, que 10 minutes pour savoir ce que c'est. Le dénouement. On sent que ça se rapproche. Oui, hein, oui, c'est pas long. Mais voilà, en tout cas, malgré. Le fait, non, c'est à, de ça quoi on va parler. Bah oui, on parle de tickets, on parle exactement, de tickets. Exactement, c'est parti pour la séquence tickets pas tickets. Alors Fabien, alors je vais vous présenter des films, en fait, tout simplement. Alors vous allez me dire si vous prenez le ticket pour aller le voir ou si vous faites une croix dessus pour aller faire un peu de trampoline, par exemple, parce que c'est moins cher finalement que d'aller au cinéma. Donc c'est le même prix. Voilà, c'est le même prix. Donc vous me dites si vous avez envie d'aller le voir ou pas. Petite subtilité, ce sont des films qui n'existent pas ou alors qui ne sont pas encore sortis. Ou alors d'autres qui sont complètement sortis de mon imagination. Donc je vais vous présenter tout ça et vous donner de devoir valider ou non. J'ai vu ta tête, Lauriane, ça me vexe un petit j'ai peu. Hâte. Alors des questions. Est-ce que déjà il y a des questions? Il y a un pitch à chaque fois. Un ouais, je vous allez voir. Je vais vous pitcher un petit peu le film. Soit je vous pitche, pareil. Soit c'est des choses qui existent déjà. Alors pour commencer, faisons dans la sobriété. Ticket pas ticket pour aller voir Joker 2 qui sortira en octobre 2024. Absolument pas. Absolument. J'ai peur des clowns et le Joker m'angoisse énormément. Mais non. Je vous jure. Ah ouais. Alors ticket pas ticket les autres, Arthur. Ticket, mais faut que je voie le premier avant. Ah oui, c'est vrai. Stéphane. Bah, ticket, oui, ticket. Ouais. D'autant que ça serait une comédie musicale avec Lady Gaga. Avec Lady Gaga, exactement. Ça m'excite beaucoup. Ouais. Bah ticket aussi. Hein. Ticket. Hein. Ah bah clairement. Franchement, ticket, on y va. Alors moi aussi, je vais prendre un ticket comme je vous ai dit, un Joker. Je vous l'avais dit en off ou pas. Je me souviens plus. Bon, je l'avais dit en tout cas. Mon film de tous les temps. Et du coup, bah Joker 2. Bah forcément. Ouais, très très attendu, très entendu. Alors ticket pas ticket pour le prochain Indiana Jones qui sortira en juin normalement. Grave. Oui. Moi, oui. Ticket moyen. Ticket parce moyen. Que la bande-annonce me fait pas rêver. Donc, voilà. Mais on va y aller quand même. Parce que faut le voir. Parce que James Mangold à la Real, qui est plutôt un bon réalisateur. Et puis parce que, bah, voilà. Puis Harrison Ford, on va dire. Puis Harrison Ford, Harrison dans le rôle. Exactement. Est-ce que ça va passer? Est-ce que ça va pas prendre un coup de vieux? Je sais pas. Moi, je me pose la question. Moi, je pense qu'ils vont jouer là-dessus. Sur la ils vont jouer sur le. Plus que dans le 4. Ah, bien moyen. Arthur, ticket. Gros ticket. Gros ticket. Gros ticket. Ah, gros ticket. Et ben, puisqu'on part dans les vieilles sagas, alors, imaginons un monde, mais vous me l'avez dit, Star Wars 10 fait son apparition. Ticket ou pas ticket pour y aller, Stéphane, vous avez un avis sur la question? Bah oui. Vous avez de la chance d'ailleurs. Ticket, oui, parce que j'attends de savoir ce qu'ils vont inventer. Ah bah c'est ça. Parce que là, on va vraiment partir de. C'est plus la saga Skywalker. De zéro, non, ça s'est terminé. C'est vraiment autre chose. C'est l'épisode 9, donc moi je suis très curieux de savoir si on va sauter un millier d'années, si on va revenir un millier d'années en arrière, qui seront les personnages, est-ce qu'il y aura des Jedi ou pas. Oui, moi je suis très très client. Et les autres? Client, pas client. J'ai un peu peur. Des clowns, des sabres laser. Non, mais j'en veux pas d'être déçu, mais je pense que j'irai quand même le voir. Ok. Bah, tant que oui, mais moi je suis d'accord avec Stéphane, c'est-à-dire que on sort de la saga Skywalker, donc là ça m'attire parce que j'en pouvais plus. J'en pouvais plus. C'est trop. Arthur, pareil. Pas tiqué. Pas tiqué. Ah oui, bah oui, bah bon, forcément. Alors là, j'ai quelque chose. Ça s'appelle Le son du silence, film inventé. Le film s'ouvre sur un musicien talentueux nommé Antoine qui a récemment perdu l'ouïe dans un accident. Déterminé à continuer à créer de la musique, Antoine se tourne vers la technologie pour l'aider à retrouver son inspiration. Il commence à expérimenter avec des machines et des logiciels de musique en essayant de trouver un moyen de créer des sons qui ressemblent à ce qu'il entendait auparavant. Et un jour, Antoine découvre une étrange machine abandonnée dans une boutique d'antiquité. Le vendeur lui dit que c'est un synthétiseur de rêves, un appareil mystérieux qui peut transformer les rêves en musique. Alors Antoine, intrigué, achète la machine et commence à l'utiliser pour créer de nouvelles chansons. Mais alors qu'il plonge plus profondément dans l'utilisation de la machine, Antoine commence à se rendre compte que quelque chose ne va pas. Les rêves qu'il utilise pour créer sa musique sont de plus en plus étranges et inquiétants et il commence à avoir du mal à distinguer la réalité de ses rêves. Et en parallèle, un autre homme mystérieux fait son personnage qui semble obsédé par la machine de rêve d'Antoine qui veut la voler. Et surtout, Antoine est terrifié et se demande qui est cet homme et pourquoi il veut tellement la machine. Et du coup, c'est un film qui pourrait sortir et qui pourrait être réalisé par Quentin Dupieux. Ah, tout simplement, pas mal. Avec ces machines-là. Et du coup, qu'est-ce que vous en pensez? Ticket ou pas ticket pour aller voir ce pitch de film? Oui, moi j'achète, moi. Bah, ça a l'air assez barré, ça a l'air finalement à l'image de Quentin Dupieux. Oui, c'est toi ça. Qui as écrit pitch Ouais, je dévoile mes sources. Alors justement, avec ce fameux chat GPT que voilà. Vous connaissez bien, alors on lui demande, écris-moi un scénario réalisé par Quentin Dupieux, et il m'a pondu ça, et c'est ce qui est sorti. C'est génial. J'ai pris copier-coller, parce qu'il fallait que je vous montre, c'est fou. On peut acheter ça. Eh ben voilà, merci en tout cas Fabien. On termine sur un petit chat GPT, un petit Quentin Dupieux. En tout cas, ça a donné envie et ça fait un petit peu peur d'ailleurs. Alors malgré le fait qu'il soit reconnu dans le monde, une chose est sûre, Arthur, c'est que le cinéma français, eh ben il a du mal à faire consensus dans son propre pays. Mais alors, c'est quoi le problème, Arthur? Bah il y en a plusieurs. Déjà, il y a beaucoup de films qui sortent chaque semaine et qui se ressemblent. Le cinéma français manque d'ambition, pas assez de films d'action, pas assez de science-fiction. Et les gens attendent qu'ils sortent souvent sur les plateformes. C'est pas que le cinéma français qui fait face aux plateformes de streaming. Il y a aussi le cinéma américain, indien. Entre 10 euros pour aller voir une comédie au cinéma d'une heure et demie ou 10 euros pour aller voir pour avoir un catalogue complet, c'est compliqué. Et le cinéma français s'adresse plus à des personnes qui ont 40 ans ou plus. Et le cinéma français manque d'attirer les jeunes. Souvent, le cinéma français manque de fraîcheur et ne se renouvelle pas assez. Alors, je vous pose la question, allez-vous voir des films français? Et selon vous, pourquoi le cinéma français ne fait pas l'unanimité? L'unanimité. Alors, on peut poser la question à Stéphane. Qui a rigolé, hein. Oui. Pourtant, ta chronique. C'est devenu à la mode, je trouve, de casser un peu le cinéma français comme si on l'assumait pas. Ouais, moi, je suis pas tout à fait d'accord avec vous, Arthur. Je vais prendre des exemples récents. C'est vrai que, le Covid, la fermeture des salles, a marqué un tournant parce qu'on a tous découvert ou adoré les plateformes et qu'on a pris d'autres habitudes et qu'on est devenu peut-être un peu plus paresseux par rapport à la salle. Mais je trouve que depuis la fin de l'été dernier, il y a justement une nouvelle ambition, une nouvelle proposition de films français en tout cas. Prenez tout genre confondu, le carton, je prends le carton d'Alibi.com par exemple, vous parliez des jeunes, des gens bon. Qui sont allés voir Alibi.com. Non, on n'aime pas ce que fait Philippe Lachaud et sa bande. En tout cas, il y a un savoir-faire qui est totalement assumé, la comédie, comme on en faisait à une certaine époque. Ça cartonne, ils vont arriver à 4 millions d'entrées. Ouais. Et en même temps, vous avez aussi des films qui sont peut-être moins populaires sur le papier. Je pense au film pour lequel Virginie Efira a eu un César, qui dépasse quand même les 500 000 entrées, ce qui, pour ce genre de film, est un très joli score. Et moi, je vois toutes les semaines des films qui vont arriver, et on parlait des Trois Mousquetaires, c'est excellent les Trois Mousquetaires, c'est un vrai film d'aventure, c'est un western du XVIIe siècle, donc il y a de nouveau, de la part des studios, alors certes, il faut de l'argent pour faire ça, donc c'est des grands studios, c'est Gaumont, c'est Pathé, c'est quelques autres. Il y a une envie, en tous les cas, de revenir peut-être justement à un cinéma qui ramène les gens en salle, toutes générations confondues. Donc moi, je suis plutôt confiant. Allez, avant de conclure, on finit sur un message d'espoir, ça fait plaisir. C'est l'heure du reveal avec toi, Fabien, qu'on retrouve une dernière fois avec cette boîte noire. Alors, la fameuse boîte noire, laissez-moi reprendre mes notes. Alors, du coup, merci la purge, elle est arrivée finalement. On a cru qu'on l'aurait pas pour... On est à la bourre, Fabien, il faut faire vite. Et voilà, bien, je vois qu'on met la pression derrière la vitre là-bas. Non, mais le dernier indice, c'était tout simplement Chris Pratt. Donc, l'objet avait été retrouvé. Donc, je crois que Stéphane avait deviné. Oui, Stéphane a clairement gagné, mais j'ai pas voulu. C'est vraiment un Walkman. Donc. Alors c'est vraiment un Walkman. Mais non, voilà. Si on peut mettre la petite musique, donc c'est vraiment un Walkman. Donc, c'est l'archéologie. C'est un vrai Walkman qui marche, n'empêche. Donc voilà, qui représente évidemment Star-Lord avec son fameux Walkman qui ne quitte pas, qui est son porte-bonheur et d'ailleurs la petite musique qui va avec. Donc Redbone, Come Out, Get Your Love. Je sais pas si vous vous souvenez, c'est ce qu'il écoute au tout début. Ouais. Ça c'est au tout début. Exactement. Début quand il tape sur les rats là sur la planète. Je sais pas si vous vous souvenez. Oui. Il tape des rats avec cette musique sur la tête. Et on a ce fameux Walkman. Donc voilà ce qu'il y avait dans la boîte donc, mystère. C'est gagné. Stéphane qui a, gagné pour Stéphane. Qui a brillamment relevé au bout du troisième. Allez-y. Au bout du troisième indice. Allez, il est pratiquement 15h. On arrive à la fin de cette émission. C'est le clap de fin, on peut dire ça. Hein. Ah oui. Je tenais vraiment à remercier notre invité, Stéphane Boutsock. Ouais, c'est vraiment un plaisir de parler cinéma pendant une heure avec vous. Merci à toute l'équipe qui, évidemment, m'a accompagné pendant 7 heures. Même chose pour Johan derrière qui a assuré la technique. Super. La semaine des invités, ça continue tout de suite avec l'équipe de Marco, Margot, Antigny, Robin Bessou qui est juste là, qui me regarde, autour de Frédéric Pau. C'était Cinémascope, prenez soin de vous et allez voir des films. Studecweb, la semaine des invités.